Le Vietnam vit l'horreur du napalm quand Bob Dylan interprète Like a Rolling Stone. Les Rolling Stones, précisément, qui n'ont rien à voir avec la chanson, passent déjà à la postérité avec Satisfaction. Leur frère ennemi, les Beatles, signent de leur côté Yesterday, qui demeure aujourd'hui encore la musique la plus reprise dans le monde. Côté français, les chanteurs creusent les sillons vinyliques de l'amour avec Capri, c'est fini pour Hervé Villard, Quand revient la nuit pour Johnny Hallyday et Même si tu revenais pour Claude François. Tant d'épanchements font réagir Eddie Mitchell qui, en rockeur fidèle, entonne et s'il n'en reste qu'un, eh bien il sera celui-là. L'amour c'est est la plus grande affaire. Pour tous ceux qui sont se taire maintenant, je sais pourquoi. C'est si bon d'aimer comme ça. On se retrouve tous les soirs. On est heureux de se voir. Et moi je me dis toujours, pour vous que ça dure. C'est qu'il me prenne dans ses bras, qu'il m'embrasse tous les jours et me parle d'amour. On se retrouve tous les soirs, on est heureux de se voir. Et moi je me dis toujours, pour vous que ça dure. On est heureux de se voir. Et moi je me dis toujours, pour vous que ça dure. Sur Radio Guémozo, les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. Pochette du disque, Johnny Hallyday figure en tenue militaire car lorsqu'il a enregistré cette chanson, Quand revient la nuit, il effectuait son service militaire à Offenbourg en Allemagne. Juste avant Johnny Hallyday, il y avait Sandy Shaw, pourvu que ça dure. Au sommaire de Salut les 60, adaptation contre version originale, nos deux matchs, le hit parade de janvier 1961 avec quelques titres classés de l'époque, et notre coin du spécialiste sera consacré aujourd'hui à Christophe. Vous avez décidé de rester en notre compagnie, merci de votre choix. We'll be right back. 1965. Première élection au suffrage universel d'un président et second mandat pour De Gaulle qui bat François Mitterrand. Pendant que Louis de Funès et Bourville se réjouissent dans le Cornio, un drugstore ouvre ses portes à Saint-Germain-des-Prés. Un fromage tout rouge au lait frais fait son apparition. Renault sort sa R16, pratique. Tout comme le premier magnétophone à cassette de Philips. Johnny et Sylvie s'unissent pour le meilleur et pour le pire. Godard réalise Alphaville, un film policier futuriste. Mazzarelli fascine avec ses dessins optiques. Les Français Jacob, Wolf et Monod sont prix Nobel grâce à leur recherche sur le code génétique. Omar Sharif illumine la vie de Julie Christie avec la chanson de Lara. L'architecte futuriste du vêtement, Courrèges, révolutionne le monde de la mode avec une seule couleur, le blanc. Buffalo Bill. One day she decides she'd go for a ride with a pistol and a sword by her side. She rolled right up to my front door, knocked and knocked till her fist got sore. When she turned and walked away, all I could hear my baby say, Baudilet, en 1957, Baudilet met un point d'honneur à chanter des compositions qui portent son nom. Mais Baudilet allait surtout créer l'une des musiques les plus frénétiques de l'après-guerre, immédiatement reconnaissable par son rythme hyper syncopé. Elle est blonde et se transforme en 1963 en rockeuse en reprenant le Say Mama de John Vincent. Il revient l'heure de mes souvenirs. Il me tient, il me fait souffrir. Il revient pour me parler de toi. Il se plaint, n'entends-tu pas sa voix? Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Il revient, il dit que j'ai eu tort. Il me tient un peu comme un remords. Cet air obsédant à tout jamais nous lie. Il se plaint, le voilà qui supplie. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Me parler des beaux jours, ce refrain qui me poursuit toujours. Il me crie sans fin, pourquoi m'as-tu quitté? Il se plaint sur un air de regret. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. We'll be right back. empêchant de dormir. Je t'ai dit adieu croyant trouver l'oubli. Oh, reviens, c'est moi qui t'en supplie. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Ah, waouh, waouh, waouh, waouh. C'est Louis Vartan, il revient. Adaptation contre version originale, c'est le moment sur Radio Gémozo de retrouver notre premier match. C'est un cri d'amour et de joie. Et si donc j'entends cette voix. Je n'ai écrit la joie qu'un désir. C'était le voir pour toujours revenir. Car si bon que j'entends cet allô, Baba, alors tu es là, Baba. C'est un cri d'amour et de joie. Il revient chaque fois. Les célibataires, papa, au moment, après la version française, la version originale, elle est interprétée par les Rolling Stones. Funniest sound I ever heard. Papa, pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 places de l'Hôtel de Ville, à 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Picking up those dainty little feet. Who's the one that catches my eye every time she passes by? Gee whiz, it's you. Ever since we said goodbye, all because of a little white lie. Let me tell you why we parted. Let me tell you what my heart said. Gee whiz, it's you. You're the one that makes me blue. You're the one who can't be true. Little darling, won't you hear my plea? Won't you please come back to me? We can pick up where we started. Listen now to what my heart said. Gee whiz, it's you. Won't you please come back to me? We can pick up where we started. Listen now to what my heart said. Gee whiz, it's you. Gee whiz, it's you. Gee whiz, it's you. Surnommé le Johnny Hallyday anglais, à l'instant, c'était Cliff Richard, Gee Whiz It's You. Dim pour dimanche, dame pour les dames, et d'hommes pour les hommes. Le 7 mars, Daisy de Galard lance le magazine féminin Dim Dame Dom. Tandis que la nuit est sur la ville de Françoise Hardy fait son apparition dans les parades. La nuit est sur la ville et le hit parade de l'époque, c'est sur Radio Guémozo et dans Salut les 60. Juste après les Rolling Stones, Walking the Dog, nous retrouverons le hit parade de janvier 1961. dressed in black, silver buttons all down her back. Hi-ho, tips her toes, she broke the needle and she can't slow. Walking the dog, I'm just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Noël et le jour de l'an, 2820 personnes quittent la RDA pour l'Ouest. Maurice Siegel remplace Louis Merlin à la tête de Europe 1. Nicole Paquin est la première femme qui apparaît nue sur le petit écran dans une émission de Maurice Cazeneuf, L'Exécution. Nous sommes en janvier 1961 et je vous propose de découvrir quelques titres classés dans le hit parade de l'époque. Jerry Lee Lewis, Frankie Jordan, Ricky Nelson, Cliff Richard font leur entrée dans le hit parade, tout comme la pétulante Petula Clark qui s'octroie la 30e place avec Marin, son nouveau titre. Marin. Yeah. cheveux d'or. Perdu dans le vent du nord, une fille aux cheveux d'or. Quand les jours et les semaines, et te garde son amour pour ton retour. Tandis que le jazz blues d'Elvis Presley rentre à la 22e place du hit parade, en ce mois de janvier 1961, on apprend que les relations diplomatiques entre Cuba et les USA sont rompues. A room with a view of the beautiful Rhine. Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give me a muddy old creek in Texas or any old time. I got those 1, 2, 3, 4 occupation GI blues. From my GI hat to the heels of my GI shoes. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. We'll get hoss and feather and black pumpernickel for chow. We'll get hoss and feather and black pumpernickel for chow. I blow my next month's pay for a slice of a Texas cow. We'd like to be heroes, but all that we do here is war. We'd like to be heroes, but all that we do here is march. And they don't give the purple heart for a fallen arch. I got the 1, 2, 3 for a occupation GI blues. On my GI head to the heels of my GI shoes. Fall lines are pretty as flowers, but we can't make it pass. Fall lines are pretty as flowers, but we can't make a pass. Cause they're always signs saying keep a deer on the grass. I got the 1, 2, 3, 4 occupation GI blues. From my GI head to the heels of my GI shoes. Les Chaussettes Noires et les Chats Sauvages, les deux plus grands groupes de rock français du moment, l'adapteront et l'inscriront à leur répertoire dans les médias. Pony Time, la version originale, interprétée par Shubby Shaker, rentre à la 20e place du hit parade de janvier 1961. It's Pony Time, get up! Line. But anyway, do that, you're gonna look real fine. 1961. L'infatigable 4L fait son apparition et va conquérir les routes de France et de Navarre, les villes et les campagnes. Jean Gabin ressemble à s'y méprendre au président, aux côtés de Bernard Blier. Marlon Brando, dur et tendre, incarne la vengeance au dévisage. Et chaque fois, Ernest Hemingway, ivre de gloire, se donne la mort, les canons de Navarone tonnent. Te rappelle à mon souffle. Les Américains envoient à leur tour un homme dans l'espace, Alan Shepard. Fidèle à sa tradition chevaline, Hermès lance le parfum à calèche. En France et en Algérie, le peuple vote sur l'autodétermination et le cessez-le-feu. Le oui l'emporte à 75%. Brigitte Bardot mène sa carrière la bride sur le cou. 30 000 cas annuels de délinquance juvénile, la France découvre ses blousons noirs. Braun invente le sextant. La cellule photoélectrique fait son apparition dans la vie de tous les jours. Le free jazz énerve déjà les parents. Et paraît-il, les chaussures se modernisent grâce à M. André. Well, be-bop-a-doo-la, my baby. Be-bop-a-doo-la, toi, ma douce amie. Be-bop-a-doo-la, où donc es-tu parti? Be-bop-a-doo-la, sans toi, je m'ennuie. Be-bop-a-doo-la, fille, je m'ennuie, si je m'ennuie. On s'est aimé une nuit. Te souviens-tu, nos mille folies? Mais ce bonheur, c'était trop beau. Il a fini dans un sangle. Bibamboloula, baby. Bibamboloula, où donc es-tu parti? Bibamboloula, si je m'ennuie, si je m'ennuie. Yeah! Je t'espère le jour et la nuit. Je suis plus tendre qu'un agneau. Car j'ai compris et je t'aime trop. Oh, bibamboloula, baby. Bibamboloula, où donc es-tu parti? Bibamboloula, si je m'ennuie, si je m'ennuie. Bibamboloula, baby. Bibamboloula, toi, ma douce amie. Bibamboloula, tu me reviens chérie. Bibamboloula, et tu me le souris. Bibamboloula, si, ma baby, si, ma baby, yeah, yeah. Ma baby, oh, ma baby. Avec 5 titres dans le hit parade de janvier 1961 et une 8e place pour leur Bebop à Lola, les chaussettes noires cartonnent un maximum en ce début d'année 1961. Seul Johnny Hallyday fait mieux avec 6 titres classés et Tu parles trop, le nouveau titre de Johnny rentre à la 5e place du hit parade. J'entends du soir au matin les mêmes mots, toujours le même refrain. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. C'est ton défaut. Tu parles encore des gens que tu ne connais pas. Tu dis bien encore ce que l'on pense tout bas. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. C'est ton parle trop aussi, la parole est d'argent. J'aurai bientôt tes fortunes en t'écoutant. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. C'est ton défaut. Tu parles trop avec toi le percepteur de mon magot. Connais le chiffre par cœur. Gna gna gna gna gna gna. C'est ton défaut. Comprends jamais rien. Tu parles à tort, malgré cela je t'aime bien. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. C'est ton défaut. s'agit d'un mur, rien n'est plus beau. Tu peux parler nuit et jour. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. C'est jamais trop. C'est jamais, jamais trop. C'est jamais trop. Malgré l'omniprésence des Chaussettes Noires et de Johnny Hallyday dans ce hit parade de janvier 1961, c'est un groupe instrumental anglais, les Shadows, qui prennent avec Apache la tête du hit parade. Précurseurs en la matière, les Shadows seront à l'origine de la création de nombreux groupes instrumentaux français, tels les Fantômes, qui seront surnommés les Shadows français. of New Orleans. I said, c'est vrai. Tous les deux, on nous voit partout. On a de la chance, on est heureux et on le sait. Il y aura toujours des beaux jours pour nous. On se dispute, on veut se quitter parfois. Ce n'est pas grave car malgré tout, on en a vu bien d'autres ensemble et on est là. Il y aura toujours des beaux jours pour nous. Lorsque l'on s'est rencontré la première fois, on était triste et tout a changé. Ennui, problème, oublié. Tu as tout l'avenir pour toi, crois-moi. Notre amour est plus fort que tout. Plus de peine, mais oui, je t'aime et je suis là. Il y aura toujours des beaux jours pour nous. Aou, aou, aou, aou, aou, aou, aou, aou, aou, aou, aou, aou, aou, aou. Tandis que Sheila comble ses fans avec toujours les beaux jours, Catherine Deneuve et Philippe Noiret tournent la vie de château. L'Italien Felice Gimondi gagne le Tour de France. Jean-Claude Magnan est champion du monde au fleuret. En ce mois de juillet 1965, quand un bateau passe, le nouveau titre de Claude François fait fureur sur les ondes des radios périphériques. Quand un train s'y, quand un avion s'envole dans le ciel, moi j'imagine tous ces départs, tous ces gens qui doivent partir, qui se séparent, qui se déchirent. Quand un bateau passe, quand un train s'y, quand un avion s'envole dans le ciel, moi je revois ce matin triste où en partant d'une misère, l'été prochain je reviendrai. Et depuis ce jour sous le soleil brûlant, je t'attends. Trois étés déjà sont revenus. Je suis là comme je t'avais promis. Mais où es-tu? Mais où es-tu? Mais où es-tu?

Joe Brown Picture of You, c'est l'original. La version française au cœur de la nuit est interprétée par Dick Rivers et ça donne ceci. Dans la nuit, j'aperçois ton visage, le passé qui défile en image. Je cours après des souvenirs enfuis. Je suis seul au cœur de la nuit. Je ne sais où j'irai faire escale. Loin de toi, j'ai perdu mon étoile. Je ne sais plus où la vie me conduit. Je suis seul au cœur de la nuit. J'attends, je ne sais qui, je ne sais quoi. Peut-être un cri venant de toi. Oui, je l'attends comme on quête le ciel quand on est perdu dans un tunnel. Je ne vois que la rue qui s'allume. J'aperçois les reflets du bitume. Et les trottoirs pris sous la pluie. Je suis seul au cœur de la nuit. Mais soudain, ta fenêtre s'éclaire. Et je sens s'évanouir ma colère. Je monte vers toi et me voilà. Je suis seul au creux de tes bras. Oh yeah, je suis seul au creux de tes bras. Je suis seul au creux de tes bras. Oh yeah, je suis seul au creux de tes bras. Pour ce deuxième match, vous aviez à choisir entre Joe Brown et Dick Rivers. Vous avez, à une très large majorité, préféré la version française et c'est un très bon choix. Chuck Berry, France Gall, Baby Bop, c'est à venir sur Radio Game Zoo. Les quelques sous que tu vas gagner, faudra pour ça durement travailler. Les libertés. Yeah, yeah, yeah. Gérard, c'est roquement bon. I'm gonna give you 30 days to get back home. I done called up a gypsy woman on the telephone. I'm gonna send out a worldwide hoodoo. That'll be the very thing that'll suit you. I'm gonna see that you be back home in 30 days. Oh, 30 days. Oh, 30 days. Be back home in 30 days. Well, she gonna send out a worldwide hoodoo. That'll be the very thing that'll suit you. I'm gonna see that you be back home in 30 days. And I talked to the judge in private early this morning. And he took me to the sheriff's office to sign a warrant. They gonna put a cross charge against you. That'll be the very thing that'll send you. I'm gonna see that you be back home in 30 days. Oh, 30 days. I'm gonna see that you be back home in 30 days. Yeah, we're gonna put a cross charge again, you. That'll be the very thing that'll send you. I'm gonna see that you be back home in 30 days. Chuck Berry, Sorry Day. Le Viet Cong bombarde Saigon au mortier. Bilan 7 tués. Un téléphone rouge est installé entre l'Elysée et Moscou. Le général de Gaulle inaugure l'usine marémotrice de la Rance. Et Michel Polnareff, en ce mois de novembre 1966, interprète « Sous quelle étoile suis-je né ?» Un titre qui sera extrait de son premier album « 33 tours ». Thank you.

ourselves a bear. Most of all, we have to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Laughing holes a place for those who pray. Hey, hey, hey. Sit on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, George DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? George and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Salut les 60 sur Radio Gamozo, la légende en musique. Nous sommes en 1945 à Juvisy dans la banlieue de Paris. Nous sommes un vendredi 13 et Monsieur Belvilaca, architecte, est auprès de sa femme qui vient de lui donner un second fils et le prénomme Daniel. Plus tard, il deviendra célèbre sous le prénom de Christophe. Les années passent et les études sérieuses ne semblent pas le passionner. Pourtant, au début des années 60, il monte un petit groupe, Danny et les Hooligans, qui se produit dans les boîtes du côté de Jouy-en-Josas. Puis il enregistre un disque assez bousy qui avait pour titre « Elle s'appelait Sophie », un 45 tours qui passera complètement inaperçu. Il se produira dans quelques cabarets jusqu'au moment où le gouvernement lui proposera des vacances prolongées chez les paras. Libéré de ses obligations militaires, il écrit « Aline ». De suite, c'est le succès et dès lors, Christophe va enchaîner les tubes. Comme Johnny Hallyday ou Brigitte Bardot, il devient un personnage public et la presse à scandale étale ses frasques. L'enfant qu'il a fait à Michel Thor sans l'épouser, ses excès de vitesse avec ses voitures de sport, ses bagarres, ses beuveries, tout y est passé. Lassé, Christophe laisse tout tomber du jour au lendemain. Il faudra attendre 1973 et les mots bleus pour que l'on reparle de Christophe. Puis il y aura Succès fou en 1983, Ne raccroche pas en 1985. Puis 1995 verra la sortie de son dernier album, Belvilaca. Si Aline reste à jamais associée au nom de Christophe, cela ne l'empêche pas de faire ce qu'il aime, chanter tous les soirs dans les cabarets la musique bluesy, sa plus grande passion. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et

Les Sangrila, un groupe féminin composé des sœurs Ganzer et Weiss, toutes les quatre originaires de New York. En juillet 1964, le groupe se Remember, un titre qui grimpera en quelques jours à la 5e place des charts. Tandis que la mini-jupe inventée par la britannique American déferle sur la France. Don't have ever tried to tame a wildcat, you'd just be wasting your time. Just leave me like you found me, don't put no cage around me, oh no, not me. You want a lamb, but I'm a wildcat. If you just keep that in mind, I'll let you hug and pet me, and then you gotta let me go free. Let me be your crazy little kitten, but you just don't understand. Or don't you chain me, or try to train me, and you'll have me eaten out of your hand. So don't forget that I'm a wildcat, and we'll just get along fine. The wildcat's what they name me, no kitten's gonna tame me, oh no, not me. Move over, tiger. Kitten, but you just don't understand. Now don't you chain me, or try to train me, and you'll have me eaten out of your hand. So don't forget that I'm a wildcat, and we'll just get along fine. The wildcat what they name me, no kitten's gonna tame me, oh no, not me. Oh no, not me. Oh no, not me. Oh no. Jean Vincent Wilkett, c'est l'original. Tant pis pour toi, la version française, dont l'adaptation est signée Claude Moine, est interprétée par les Chaussettes Noires, et ça donne ceci. Pour toi, si tu regrettes, au fond tu l'as bien cherché. Je ne comptais pas pour toi, toujours tu m'as repoussé, tant pis. Pour toi, quand tu disais qu'un jour peut-être tu essaierais de m'aimer, jamais tu ne l'as pensé, de moi tu t'es bien moqué, tant pis. Pour toi, quand tu es parti, tu as laissé un amour sans lendemain. Mais moi j'ai gardé au fond des pensées un chagrin d'amour sans fin. Tant pis pour toi, ta vie est faite de jours trop longs, et la joie s'en est allée de ton cœur en fuyant mes caresses. Tant pis pour toi, tant pis pour toi. Tu pourrais voir que l'oubli m'a transformé. Je ne veux plus jamais te croire, j'ai bien fini de t'aimer. Tant pis pour toi, si tu regrettes, au fond tu l'as bien cherché. Je ne comptais pas pour toi, toujours tu m'as repoussé. Tant pis pour toi, tant pis. Pour toi, tant pis. 1961. Jacques Anquetil gagne avec brio et bien coiffé son deuxième Tour de France. Les Américains lancent le plus grand porte-avions nucléaire, l'Enterprise. Les Français découvrent la toute petite voiture anglaise, la Mini. La machine à écrire IBM existe dans tous les parfums. Sophia Loren et Jean-Paul Belmondo interprètent la Ciociara de Vittorio De Sica. L'idole des blousons noirs, Vince Taylor, se trémousse avec talent et en anglais. Monsieur le directeur, sans même le savoir. Le coiffeur Alexandre invente la mise en pli sans rouleau.

Les Yardbirds Hyman, un titre signé Mac Daniels, plus connu sous le nom de Bo Diddley. En attendant, nous allons écouter notre amie et la plus belle fille de la Côte d'Azur, j'ai nommé Michel Thor. S'il m'aime, qu'importe ce qu'il dit. S'il m'aime, j'aime tout ce qui me vient de lui. J'ai tant besoin de son sourire, tendre et si doux. Il est pour moi ce qu'une fille rêve de plus fou. S'il m'aime, je n'aurais rien perdu. Qu'il m'aime, je n'en demande. Je sais qu'il ment parfois. Je l'aime. Et c'est très bien comme ça. S'il m'aime, il est vraiment celui. Michel Thor, s'il m'aime, si vous aimez la musique des années 60, eh bien n'hésitez pas à vous connecter sur radiogemozo.eu. Allez, le tout c'est en minuscule et sans accent, et vous allez dans la rubrique Salut les 60 pour écouter l'émission qui vient de passer. Merci de nous avoir tenu compagnie. On se retrouve lundi prochain dès 15h pour une nouvelle émission. Et dimanche, à partir de 10h, profitez de la rediffusion de l'émission pour faire le plein de rêves. Salut les 60, excellente semaine sur Radio Gemozo. I'm on my way to glory land. I shall not be moved. On my way to glory land, I will not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, and I shall not be moved. I shall not be moved.